commun ou d'un renouveau, qui sait. Peut-être d'un bien, le souvenir heureux causant les rires jaunes, attendant les retrouvailles de mes proches sans impatience aucune. Qu'importe les croyances, qu'importe les avis et qu'importe la vie. J'existe puisqu'il en est ainsi, j'existe puisque j'influe. Si je change la mentalité d'un, alors je suis à l'origine d'un effet papillon qui débordera clairement sur votre réel. Nul ne le niera, nul ne fermera ses yeux sur mes actions. Qu'importe les croyances, qu'importe les avis, qu'importe vos vies, qu'importe mon nom. Ma nullité physique vous fera sans doute voir avec plus de relativité vos notions. Celle du réel, celle des convictions, celle des émotions. Qu'importe vos croyances, qu'importe vos avis, et